sais pas ce qu'elle représente pour moi. Je l'ai regardée dans ses yeux doux, et l'amour m'a jeté son pouvoir fou. Oh, oh, oh oui, elle m'a souri. Oh, oh, oh, oh, elle m'a dit oui. Oh, oh, oh oui, tout est gagné. Mon rêve s'est réalisé. Toute ma joie est retombée, trompant tous mes espoirs, elle m'a quitté. Oh, oh, oh oui, tout est perdu. Oh, oh, oh oui, je suis battu. Oh, oh, oh oui, c'est bien pour moi que l'amour étale ce jeu-là. Oh, oh, oh mais je n'oublie pas. Oh, oh que des filles sont là.